le grand public, c'est la barbe blanche derrière Tara, la goélette qui a parcouru tous les océans du monde. Pour la communauté scientifique, c'est l'homme qui a permis de séquencer des dizaines de millions de gènes bactériens océaniques, dont la moitié reste aujourd'hui encore inconnue, et qui a révélé l'incroyable biodiversité d'organismes monocellulaires qui vivent dans nos océans et qui traitent d'ailleurs la moitié du dioxyde de carbone atmosphérique. Ce spécialiste de la biologie moléculaire et des microtubules qui permettent de conduire les brins d'ADN pendant la mitose s'interroge aujourd'hui sur l'origine de tout, les sources de la vie. Éric Carcenti, dans le grand bain du vivant, c'est le bouillonnant programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Éric Carcenti. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir ici. Vous publiez donc « Aux sources de la vie ». C'est chez Flammarion. C'est un livre dans lequel vous repartez donc de vos premières amours, la biologie moléculaire et la division cellulaire, pour interroger ce qui constitue le vivant, ce qui en définit les caractéristiques de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique. Et alors évidemment, pour commencer, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question, de vous demander votre réaction à cette annonce ce matin, en fait la nuit dernière précisément, d'une naissance de ce qui serait, si cela est confirmé, hein, parce que pour le moment, ce n'est qu'une annonce vidéo, les deux premiers bébés OGM, deux jumelles chinoises dont le patrimoine génétique a été modifié au stade embryonnaire via les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 pour les doter d'une mutation génétique censée les protéger du VIH. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Carcenti ? Moi, j'aime pas du tout ce genre de manipulation génétique chez les hommes. D'une façon générale, les OGM, bon, ça peut être utile hein, dans certains cas, mais je pense que utiliser ça chez l'homme, c'est pour, enfin moi je suis contre de toute façon. Même si ça peut apporter des avantages médicaux, je pense que c'est hyper dangereux parce qu'on ne sait pas très bien. Hein. Justement, dans mon livre, je parle beaucoup de cette distance qu'il y a entre le génome et ce qu'on est. Il se passe plein de choses. Les phénotypes. Et du coup. Pour moi, ça me paraît extrêmement dangereux. Enfin, moi, je ferais pas ça. Vous ne le feriez pas, tant mieux. En l'occurrence, ce qui s'est passé, j'en dis un mot et on y reviendra bien entendu dans le journal des sciences de vendredi. Hein, c'est le gène CCR5 qui a été édité. Ce gène CCR5, donc au stade embryonnaire, c'est-à-dire au stade d'une seule cellule, hein, quand vraiment l'embryon est encore à une seule cellule. Ce gène, cette variante du gène CCR5 qui est dite du modèle du patient de Berlin, c'est une variante, une mutation qui empêche le VIH de pénétrer à l'intérieur des cellules, des lymphocytes T4. Et c'est une variante naturelle qui est possédée par 0,3% de la population et qui est donc du coup acquise par ces deux jumelles. D'après l'annonce qui était faite encore par vidéo, donc tout ça est très ascientifique hein, comme démarche évidemment. Si cela est vrai, ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les jumelles sont en bonne santé, en vie, elles sont retournées chez leurs parents. Et le scientifique chinois annonce qu'il n'y a pas de modification dite off-target, puisque avec les ciseaux CRISPR, on sait que parfois ça modifie pas uniquement la séquence que l'on souhaite, mais aussi quelques autres séquences. Bon. Voilà, on y reviendra quand on aura un peu plus d'informations, parce que pour le moment, tout cela est encore très très fragmentaire. Alors, on va revenir à nos moutons. Alors, en l'occurrence, c'est vous, nos moutons, Éric Carcenti. Et je ne dis pas ça pour votre belle barbe blanche et votre belle toison frisée. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et au Laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, en Allemagne. Vous êtes évidemment l'ex-directeur scientifique de l'expédition Tara Océan. Ce qui a d'ailleurs amené, et c'est intéressant, une sorte de confusion dans l'esprit du grand public vous concernant, parce que on vous pense plus océanologue que biologiste. Or, vous-même, c'est assez amusant, vous avez longtemps hésité entre ces deux branches. Oui, j'ai tout de suite bifurqué. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la biologie marine, quoi. Et puis, j'avais été voir le directeur d'une station en Bretagne, et puis il m'a dit d'abord d'aller faire de la génétique à Paris. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, je suis jamais revenu. Je suis parti dans la biologie cellulaire, ce qui m'a beaucoup passionné aussi. Et puis, en fait, c'est à la base, finalement, de la vie dans les océans, hein, puisqu'on va y revenir. Mais c'est parce que ça se rejoint. Ouais. Vous êtes aussi un marin dans l'ADN, si j'ose cette formule. Forcément, c'est, le jeu de mots est facile. Mais vous êtes aussi un marin dès le départ, confirmé, amoureux de la mer, amoureux des océans. Ouais, j'ai toujours navigué beaucoup. Ouais. J'adore la mer. Ouais. Il y a une question que je pose souvent aux scientifiques qui sont à ce micro, une question que je trouve toujours assez intéressante, celle de la vocation. À quel moment, Éric Kersanti, est-ce que dans votre genèse, dans votre adolescence, je ne sais pas, se fait la bifurcation, se fait l'embranchement, ou pourquoi est-ce que d'un seul coup vous êtes intéressé par cette biologie cellulaire? Ben en fait, j'ai une passion parallèle pour la mer et la voile et la biologie, en fait, hein, jeune, vers 15 ans, 14, 15 ans. Mais pour la biologie, en fait, je me posais des questions beaucoup sur l'origine des formes biologiques, parce que c'est quand même fascinant, nos organes, la morphogénèse, mmh. les membres, tout ça. Beaucoup de gens se posent pas la question. Moi, ça m'avait un peu interrogé. Donc, j'avais envie de comprendre un petit peu comment on était fabriqué. Puis à l'époque, hein, ça fait quand même longtemps maintenant. On savait pas grand chose. On savait quasiment rien, en fait, sur ces mécanismes. Vous en reparlez d'ailleurs, hein, dans certains chapitres, mm-hmm. notamment la morphogénèse du cœur, ouais. dans ce livre. C'est-à-dire que vraiment, c'est une sorte de curiosité de vous dire, je vais me diriger vers des études de biologie parce que je veux comprendre finalement comment on passe justement d'un embryon à ce corps humain constitué de millions de cellules. Ouais, différenciées. C'est ça, ouais. En fait, ça, c'est venu après. C'était au début. Moi, je savais, vers 15 ans, on sait pas grand chose de la biologie, hein. C'est des questions très générales à cette époque-là. Puis après, à la fac, c'est à ce moment-là que je me suis posé des questions sur effectivement le lien, enfin comment on peut passer de l'information linéaire qu'il y a dans le génome aux formes, quoi, au phénotype. Hein. Mmh. Ouais. Il y a des lectures, il y a des auteurs aussi. Vous parlez évidemment de Darwin et du Beagle pour Tara, mm-hmm. on en reparlera. Mais est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous marquent justement dans vos années d'études? Oui, moi, ceux qui m'ont beaucoup marqué, c'est plus des physiciens ou que des biologistes, en fait. Ah bon? Parce que la morphogénèse, c'est vraiment un problème de physique finalement. Parce que la génétique, ça apporte les molécules. Mais après, comment ces molécules interagissent entre elles pour fabriquer des structures? C'est des structures physiques, donc c'est plus de la physique, de la biophysique. Hein. Donc moi, c'est j'en parle beaucoup dans le livre, comment il s'appelle, sur l'auto-organisation. Je vais avoir un trou avec vous. Moi aussi, j'ai un trou avec lui. Enfin, c'est des auteurs qui parlent beaucoup d'auto-organisation. Stuart Kaufman, par exemple. Voilà. Mmh. Voilà, et puis d'autres qui m'ont beaucoup marqué. Vous parlez des clubs de l'ARN à cravate. Alors ça, c'est autre chose, c'est pour l'ADN, ça. C'est, mmh. ouais, c'est James Watson, Crick, toute cette bande. Ouais. Et aussi, c'est ouais. quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, Richard Feynman. Voilà. Bon, tous ces gens-là. Et puis toutes ces questions d'auto-organisation, c'est-à-dire comment des formes fonctionnelles émergent finalement des molécules, c'est-à-dire comment les molécules interagissent pour générer des formes complexes et dynamiques. C'est ça le grand problème de la biologie qui a été peu abordée finalement au XXe siècle parce qu'on était beaucoup obsédé par l'ADN, par les gènes, par les protéines, les molécules qui composent la vie et leurs interactions, mais des interactions au niveau très simple, c'est-à-dire avec des causalités linéaires. Par exemple. Comment on passe de l'ADN à l'ARN aux protéines, donc la synthèse des protéines, c'était un gros, toute la transcription, toutes ces choses qui étaient très importantes à comprendre. Donc c'est vraiment de la biologie moléculaire. Mais après, si on veut comprendre comment les molécules produites par l'ARN, les protéines interagissent pour faire des cellules dynamiques, là c'est autre chose. On change d'échelle, c'est-à-dire que justement on passe de l'échelle moléculaire à l'échelle cellulaire, puis de l'échelle cellulaire à l'échelle de l'organisme, et à chaque fois il y a des changements de propriétés qu'on peut pas expliquer simplement par les propriétés individuelles des molécules. Il faut prendre en compte le comportement collectif. Et toutes les questions d'énergie, et finalement la question qui vous taraude et que vous essayez d'aborder dans ce livre, c'est la question du passage de l'inanimé à l'animé. Exactement, voilà, donc c'est ça. Et alors, je sais pas si on comprend toujours pas très bien ça, évidemment, hein, mais avec ces principes d'auto-organisation, on commence à voir comment ça peut se faire, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre comment, en changeant d'échelle, il y a des nouvelles propriétés qui apparaissent, quoi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h10, France Culture. Éric Kersanti est notre invité tout au long de cette heure pour parler de son livre « Sources de la vie » chez Flammarion, mais pour parler aussi de ses travaux, de sa carrière, de ses apports à la littérature scientifique et des apports abondants comme vous allez l'entendre. Et pour commencer, Éric Kersanti, comme chaque jour, pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à la pêche dans notre boîte à trésors, dans notre incroyable fonds d'archives que nous avons ici à Radio France, et nous avons trouvé cet extrait, Olivier Bétard, Godard, notre réalisateur, a mis la main dessus. C'est un extrait qui remonte à 1964. Écoutez, Louis Gallien, célèbre biologiste et zoologiste que vous connaissez, il s'essaye à définir ce qu'est la vie. Je crois qu'on peut définir la vie comme un état d'organisation de la matière d'une grande complexité qui constitue ce qu'on appelle la biosphère, celle-ci se moulant en quelque sorte sur la surface de notre globe. Pour concevoir la vie, il est utile de définir les principaux critères qui la marquent. L'un de ceux-ci, c'est la capacité qu'ont les organismes d'effectuer une assimilation spécifique, c'est-à-dire d'accroître leur forme et de se multiplier. Un second caractère, c'est la capacité des êtres organisés d'édifier des structures qui sont très généralement, et on pourrait le dire nécessairement, adaptatives. Nous savons également que ces organismes évoluent, et ceci est lié à deux mécanismes fondamentaux, le mécanisme de la sexualité, de la reproduction sexuée, lequel est lui-même associé à la transmission génétique, à la transmission héréditaire. Voilà quelques-uns des critères qui me paraissent pouvoir, sinon définir d'une manière très précise, mais donner à la vie, à la notion de vie, son caractère essentiel. Voilà, Louis Gallien en 1964, dans une tentative de définition de ce qu'est la vie. Qu'en pensez-vous, Eric Garcinti? Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, il a mis le doigt exactement sur les deux aspects importants de la vie. D'une part, l'échelle de temps de l'évolution, qui est sur des millions d'années et des milliards d'années. Et d'autre part, l'échelle de temps de la cellule et notre échelle de temps, qui sont de la milliseconde à la minute à l'année. Et on peut pas comprendre la vie si on ne comprend pas les deux. C'est-à-dire qu'il y a la complexification de la vie qui s'est produite sur des milliards d'années. Mais à chaque étape de complexification, il faut que les organismes vivants s'organisent. Donc il y a deux aspects qui sont deux échelles temporelles quoi, qui sont mélangées, qui s'entrecroisent, qui s'entrecroisent, mais et qui permettent de comprendre la vie. Donc c'est parfait, enfin sa définition. Ce que vous essayez de faire, alors je parle sous votre contrôle et évidemment vous êtes libre à vous de me corriger, je vous invite même à me corriger, mais ce qu'on comprend un peu dans ce livre aux sources de la vie, c'est cette tentative de démontrer que finalement les schémas classiques qui sont les nôtres de ce qu'on peut comprendre nous individuellement, même forcément sans avoir de grande culture scientifique de ce qu'est la vie, ce sont des schémas finalement très simplistes et qui perdent une partie de la complexité justement de ces différents niveaux d'échelle, de ces différents niveaux de mélange, d'une grande partie de hasard aussi. Oui, je pense d'abord comme c'est compliqué, c'est difficile de remettre tout ça ensemble dans la tête, mais surtout je pense que l'éducation de la biologie aussi est un peu fragmentée. C'est-à-dire qu'on apprend la génétique, on apprend même à l'école, ils apprennent le code génétique, mais il n'y a pas d'explication un peu globale et holistique de la vie comme j'ai essayé de le faire dans ce livre. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour donner aux gens une vision un peu globale de ce que peut être la vie, de sa complexité. Et voilà, donc j'ai essayé de le faire. Maintenant, c'est pas simple, hein. c'est justement cette volonté d'appréhender, de définir cette approche holistique, comme vous la définissez, Eric Garcinti, de ce qu'est la vie. C'est une sorte d'hubris de tout biologiste. À un moment, on se dit, je vais apporter ma contribution. Ouais, absolument. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une frustration chez les biologistes parce que en physique, il y a ces grandes théories de l'univers, bon, qui sont pas complètement unifiées, mais enfin, qui donne quand même une idée assez globale de la façon dont l'univers s'est fabriqué et comment il évolue. Mais en biologie, il n'y a pas de vraie théorie qui relie un petit peu tout. Donc on est obligé de... Il y a une part de description. Et une des choses que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est justement de rechercher des principes un peu généraux, qui sont des principes de physique, sur l'auto-organisation, qui permettent de comprendre l'émergence de cette complexité à différentes échelles avec les mêmes principes. C'est un petit peu, alors effectivement, c'est un petit peu cet hubrisme, ce désir qui est derrière. Le péché véniel des biologistes, de comprendre cette espèce de pulsion un peu démiurge, de se dire je vais réussir à mettre le doigt sur le passage de l'animé à l'inanimé, plutôt. Voilà, exactement, ouais. C'est intéressant parce que ces principes d'auto-organisation, c'est ce qui a un peu conduit, c'est un peu le fil rouge de votre carrière. Absolument, on va y revenir dans un instant, notamment sur la mitose, la division cellulaire. Il y a aussi quelque chose qui est assez assez marquant et intéressant dans ce livre et qu'on retrouve quand on s'intéresse à votre carrière, c'est une vraie volonté de décloisonner les disciplines, c'est-à-dire, comme vous le disiez, les disciplines des sciences du vivant, mais pas uniquement, c'est-à-dire une vraie volonté de transdisciplinarité pour comprendre, pour appréhender justement cette espèce de d'immensité conceptuelle qu'est le vivant. Absolument, absolument. Oui. C'est il y a une nécessité d'ouvrir. Hein, la biologie, c'est-à-dire d'aller vers les... Bon, la chimie était dans la biologie très tôt, parce que pour comprendre l'ADN et toutes les molécules, la chimie a été très tôt dans la biologie. D'ailleurs, en général, beaucoup de chimistes pensent que c'était ce qui était le plus important, c'était d'utiliser la chimie pour comprendre la biologie. Mais la physique est tout aussi importante, c'est-à-dire la dynamique, hein, la physique statistique, les comportements aléatoires et les interactions. C'est tout aussi important que la chimie pour comprendre. Donc il faut, je pense que c'est en ce moment ce qui est très intéressant, c'est que il commence à y avoir beaucoup de laboratoires dans le monde où on mélange les physiciens, des chimistes et des biologistes pour travailler à cette échelle, pour plus travailler seulement à l'échelle de la molécule, mais travailler à l'échelle de la cellule et de l'organisme. Pour revenir justement aux origines de vos travaux de recherche et sur le début de votre carrière, qu'est-ce qui vous dirige les premiers pas que vous faites d'ailleurs, c'est assez surprenant, c'est en immunologie à l'Institut Pasteur. Ouais. J'ai pas fait grand-chose en immunologie en fait. J'ai un peu travaillé sur j'ai commencé à travailler un peu sur l'immunologie, sur des cellules, hein, sur les cellules du système immunitaire, les lymphocytes. Et puis très vite, bon, bah, j'avais envie de faire autre chose que ça, donc je suis parti vers la biologie cellulaire des lymphocytes. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en fait au squelette des cellules, c'est-à-dire aux structures qui sont à l'intérieur de la cellule et qui déterminent les formes de la cellule. Donc j'ai fait des anticorps contre ces molécules pour les visualiser dans les cellules. Donc c'est là que j'ai commencé en fait à aller vers les domaines qui m'intéressaient vraiment, quoi. C'est-à-dire vers la question de l'auto-organisation. Juste un mot, Eric Kersanti, ouais. Qu'est-ce qui vous ennuie dans l'immunologie, qui est un domaine passionnant? Non, il y a rien qui m'ennuie du tout. Non, j'adore l'immunologie. Simplement, c'était pas ce que je voulais faire. C'était passionnant en fait. Tout le système immunitaire, c'est un système fabuleux, hein. Et à l'époque, il y avait des théories intéressantes. C'était très intéressant. Et on a fait des choses intéressantes d'ailleurs dans le labo qui m'ont beaucoup plu, hein. Mais par contre, j'étais vraiment moi, ce qui m'attirait, c'était ces questions de morphogenèse. Donc je voulais partir dans cette direction. Hein. Et du coup, vous vous intéressez à ces cycles de division cellulaire qu'on appelle la mitose. Donc la mitose, c'est quand une cellule se divise en deux cellules, une cellule mère se divise en deux cellules filles strictement identiques, et principalement à un principe. Alors vous pouvez peut-être le réexpliquer, qui est effectivement très intéressant parce qu'on est au cœur de l'auto-organisation. C'est comment, à un moment donné, ces chromosomes vont-ils être séparés, divisés via des microtubules. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu en quoi consistent ces recherches, parce que c'est assez passionnant dans cette question d'auto-organisation. Ouais. Dans la division cellulaire, il y a deux grandes questions. Il y a une question temporelle, c'est-à-dire que comment la cellule décide à un moment, enfin décide, comment la cellule se divise. Attention, on va vous accuser de faire du intelligent design. Comment qu'est-ce qui fait, quelle est l'horloge, disons, qui détermine quand la cellule doit se diviser. Et puis la deuxième question, c'est comment la machine qui sert à distribuer les chromosomes s'organise. Alors c'est une organisation extraordinaire, parce que c'est une machine qui fonctionne pratiquement sans se tromper, hein, des milliards de fois, et c'est fabuleux. Donc la première question sur le temps, c'est en fait, il y a eu un prix Nobel qui est sorti là-dessus, avec Timont et Paul Nurse en particulier, qui ont eu le prix Nobel pour ça. En 2001. Et c'était la découverte d'un mécanisme biochimique, en fait, qui détermine une horloge qui tourne à une certaine vitesse, à différentes vitesses en fonction des cellules. Et cette horloge, elle dit aux composants de la cellule quand ils doivent s'organiser en une machine qui va distribuer les chromosomes. Donc cette horloge, elle est auto-organisée. C'est-à-dire, c'est les molécules qui sont produites par le génome qui, en interagissant, déterminent des constantes de temps. D'accord. C'est fabuleux. Donc c'est de l'horloge suisse en biologie, quoi. Et puis, comment le fuseau s'assemble, c'est aussi assez compliqué. C'est-à-dire que c'est les chromosomes qui induisent l'auto-organisation d'un fuseau, donc d'une structure de microtubules, des tubes. On va vous remettre des illustrations sur le fil Twitter de l'émission At la méthode, ouais. FC, parce que vous l'avez peut-être vu si vous avez fait le B.A.B.A. ou si vous vous souvenez de vos cours de biologie. Effectivement, à un moment donné, les chromosomes sont un peu attirés par leur milieu, hop, et ils sont répartis chacun sur des petites lignes qui les divisent et qui les attirent chacun de leur côté avant de créer les deux cellules. Ouais, c'est très visuel, donc c'est difficile de l'expliquer simplement. On va mettre des illustrations sur le Twitter. Mais si vous voulez, en fait, c'est des lignes et c'est des tubes. C'est des tubes de protéines qui sont extrêmement malléables et dynamiques et qui s'organisent de façon à tirer sur les chromosomes pour les emmener au pôle du fuseau. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que c'est les chromosomes qui induisent l'assemblage de cette structure qui elle-même est la machine qui sert à les distribuer. Donc c'est comme si une voiture induisait sa propre fabrication, quoi. C'est là la grosse différence entre la vie et les machines fabriquées par l'homme, c'est que les machines fabriquées par l'homme sont dessinées par des ingénieurs, alors que la vie, elle, s'auto-organise. Elle fait des machines toute seule. Et on comprend. Bon, je peux pas trop expliquer en détail comment ça s'est passé, mais on comprend maintenant comment ça marche, quoi. Ce qui est intéressant dans vos travaux que vous avez fait d'ailleurs avec Marcel Doré, justement dans le sillage des travaux que de Paul Nurse que vous décriviez tout à l'heure, et vous estimiez d'ailleurs que Marcel Doré aurait mérité d'avoir fait partie des trois Nobel. Ouais. On pensait effectivement qu'il était impossible à l'époque que cette machinerie, ces microtubules, soient générés par les chromosomes eux-mêmes. On pensait que ça venait d'organites, d'autres petits éléments de la cellule qui produisaient cette machinerie pour aider les chromosomes à se répartir. Or, pas du tout. Non, effectivement, on pensait ça. Moi, ce qui me gênait dans cette idée, c'est que je voyais pas comment ces organites, ces deux petits organites qu'on appelle des centrioles, et je voyais pas, ça repoussait le problème, parce qu'on disait c'est les centrioles qui organisent le fuseau, mais en fait comment ils se positionnaient de chaque côté du fuseau, comment la taille du fuseau était organisée, pourquoi les chromosomes étaient au centre, fallait comprendre tout ça. Et la seule façon, c'était de comprendre vraiment la physique du système, c'est ce qu'on a fait. Bon, c'est là où il y a des histoires de réaction-diffusion de Turing, et puis des histoires de comportement collectif des molécules qui ont permis de comprendre comment cette machine peut s'auto-organiser. Et donc ça, ces travaux-là, c'est le moment où vous partez, Eric Kersanti, les faire à Heidelberg, en Allemagne. Mm-hmm. Et vous allez continuer à travailler plus tard, une fois, bon, vous travaillez sur ces cycles pendant un moment, mais vous continuez à travailler aussi également sur la question de cette horloge interne, c'est-à-dire sur ce qui va, à un moment donné, amener la cellule à s'autodiviser, sur ces seuils critiques qui sont aussi des travaux assez passionnants. Oui, en fait, ce qu'il y a de très beau dans le cycle cellulaire, c'est qu'il y a des étapes irréversibles. C'est-à-dire que on avance tout doucement dans le temps pour aller vers la mitose. Et tout d'un coup, il y a une décision qui est prise. Il y a une décision qui est prise, mais cette décision, on sait comment elle est prise, c'est des boucles. C'est ça qui est beau, c'est qu'on comprend comment elles marchent, ces décisions. C'est des boucles, si vous voulez, des boucles futiles un peu, si vous voulez, c'est un peu difficile à expliquer, mais qui, et puis quand on dépasse un certain seuil, elles changent de régime. Donc on a des changements de régime, et ces changements de régime, déterminent des zones, des périodes irréversibles. Mmh. Des points irréversibles, des points de non-retour, quoi. Il y en a deux, il y a un point de non-retour avant la mitose, et un point de non-retour après la mitose, qui renvoie la cellule dans son état initial. On pourrait dire, je parle sous votre contrôle, qu'en fait, il y a une accumulation, et notamment autour de deux protéines qui organisent l'ADN en structure, qui atteignent des niveaux critiques, et à partir du moment où on a ce niveau critique de protéines, ça fait office de prise de décision, de marqueur. Ça déclenche une réaction, une réaction qui est irréversible. Et donc, on part en mitose. Et puis ensuite, quand la mitose se produit, il y a un deuxième seuil critique, une activité critique qui apparaît, qui dit quand la cellule doit sortir de mitose. Il y a un temps de latence déterminé aussi. C'est ce qui est aussi assez passionnant quand on se réintéresse à tout ça, parce que c'est vrai que la mitose, c'est l'étape de division cellulaire la plus simple qu'on apprend en biologie quand on fait un peu quelques cours au lycée, et puis ensuite il y a des divisions plus complexes, il y a méiose, bon bref, on va pas rentrer là-dedans, mais on s'imagine l'ADN comme ces petits X bien ordonnés qu'on voit, comme on se représente, etc. Mais la plupart du temps, l'ADN dans le noyau cellulaire, c'est un gigantesque plat de spaghettis entremêlé. Et comment est-ce que d'un seul coup on se retrouve avec une quantité quand même phénoménale de cette molécule complètement déliée à justement une organisation et des chromosomes visuels qu'on peut voir. Ben justement, c'est cette molécule qui régule le timing de la mitose, qui induit des modifications dans la structure des chromosomes et qui du coup se condense. Donc les chromosomes se condensent, et prennent une forme particulière. Donc bon, comment ça marche exactement, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop encore. La condensation des chromosomes, c'est extrêmement complexe. Mais on comprend le signal qui induit cette condensation. Ces travaux, ça va vous occuper une bonne vingtaine d'années en tout quand même. Ouais, j'ai travaillé pendant 25 ans ouais, pratiquement sur ces questions-là. Quand je suis arrivé à l'EMBL, en fait, je... L'EMBL, c'est Heidelberg. Laboratoire de biologie moléculaire c'est à Heidelberg. Ça, voilà. Je savais pas, je pensais que ça prendrait 25 ans pour résoudre ces questions-là. En fait, ça a pris moins longtemps. Hein. C'est-à-dire que les questions fondamentales que je voulais comprendre sur la division cellulaire, ça a pris une quinzaine d'années, quoi. Donc c'est assez étonnant parce que on savait rien hein, quand j'ai commencé dans les années 70-80, on savait rien ni sur les molécules ni sur c'était décrit, c'est-à-dire ce qu'on apprenait à l'école, la division cellulaire était décrite, mais comment ça se passait, on savait rien du tout quoi. Et du coup, au début des années 2000, finalement, on accélère un peu pour arriver. Non, ce qui est intéressant, c'est que déjà sur la transdisciplinarité et puis sur votre passé de marin, vous commencez à organiser des conférences Jacques Monod à Roscoff, et qui sont justement très impliquées dans cette idée de dire qu'il faut faire dialoguer ensemble différents domaines scientifiques. Expliquez-nous un peu en quoi elles consistaient ces conférences Jacques Monod. Mais en fait, c'était la première conférence que j'ai organisée avec Tim Hunt, et c'était Marcel Doré encore une fois qui m'a poussé à l'organiser. Moi j'étais très timide à l'époque, je n'osais pas faire de séminaire, j'avais très peur, donc je voulais pas le faire. Et puis il m'a dit si, on voyait que qu'on allait comprendre ce qui se passait pour la division cellulaire. Il me dit si, il faut que tu organises ça absolument. Et puis il m'a dit pourquoi tu le fais pas avec Tim Hunt. Donc je l'ai fait avec Tim. Et puis on connaissait, il y avait quelques labos dans le monde qui s'intéressaient à ces questions de la division cellulaire. Donc on a invité, on n'était pas beaucoup, on était entre 30 et 60 hein, personnes là, c'est tout. Et puis on a eu une série de conférences comme ça tous les deux ans. À Roscoff. Au centre de biologie marine à Roscoff. Et c'était super parce que c'était une espèce de grande réunion de labos, c'est-à-dire que tous les labos les différents labos dans le monde entier qui travaillaient sur ces questions discutaient entre eux. On échangeait des idées, des réactifs et tout. Et je pense que bon, ça joue un rôle important dans la vitesse à laquelle les problèmes ont été résolus. Oui. Vous revenez à Paris au début des années 2000 pour prendre la direction de l'Institut Jacques Monod. Quelques années. Ouais. Trois ans, oui. Je suis pas resté longtemps parce que... Parce que vous avez rencontré... Celle qui va changer toute votre vie. La Goélette. Enfin, il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que je me suis aperçu que diriger un institut, enfin un labo comme l'Institut Jacques Monod, c'est beaucoup plus d'administration que de science. Et du coup, ça m'intéressait pas tellement, quoi. Donc, j'ai préféré recommencer. Donc, j'avais gardé mon labo à l'EMBL, donc j'ai continué à travailler là-bas. Et puis, en même temps, oui, effectivement, j'ai eu l'idée de monter une expédition autour du monde, et donc. Il y a eu la suite, quoi. Vous allez nous raconter cette rencontre dans un instant. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight, we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point? Is it the chicken and the egg time? Are we just yolks? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate. Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving or is it too late? What's on that? Here's the meaning of life. Ça, c'est le meaning of life, comme diraient les Monty Python, le sens de la vie, puisque nous parlons non pas du sens, mais des sources de la vie. On est quand même pas très loin avec Éric Carcenti, aux sources de la vie. C'est le livre que vous avez publié à cette rentrée chez Flammarion, Éric Carcenti, directeur de recherche émérite au CNRS, médaille d'or du CNRS également, directeur de recherche au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, ex-directeur scientifique de l'expédition Tara Océan. Un mot avant reprendre le fil de notre conversation chronologique, dirait-on, peut-être un mot sur le, puisque le titre de cette émission c'est la méthode scientifique, est-ce qu'il y a une méthode scientifique qui a guidé un peu vos travaux? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous vous êtes accroché, que vous pourriez définir comme étant la méthode scientifique d'Éric Kersinti? Oui, moi je crois que c'est beaucoup le hasard, hein. C'est-à-dire que, enfin, je pense que la plupart des scientifiques, moi compris, hein, on est intéressé par des questions, et puis on tombe nécessairement sur des observations, des choses comme ça, et puis ça donne des idées. Et à partir de ces idées, mais ça c'est beaucoup, il y a beaucoup de hasard là-dedans, un peu dirigé parce que évidemment on cherche un peu. Mais et puis après, une fois qu'on a les idées, ben on cherche à soit les confirmer, soit à les démonter, savoir si c'est vrai quoi. C'est donc après savoir si ces idées sont vraies ou fausses, c'est de l'expérimentation et de la théorie et voir s'il y a une cohérence dans les idées les images qu'on se fait dans la tête. Il y a beaucoup d'intuition. Moi je pense que l'intuition c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas très facile à définir, hein. Mais c'est quelque chose qui se passe dans la tête où soudain on voit comment un processus fonctionne et c'est flou, mais on voit comment ça marche et on sait pas encore bien l'expliquer. Et après, ben on va chercher. Donc on cherche à faire des expériences, à explorer, à mettre ça en cohérence. Et puis finalement, on arrive à établir des faits scientifiques. Mais évidemment, c'est le mélange, hein, de hasard, d'intuition et de rationalité qui fait la découverte et la science, ouais. Sur un temps court, un temps moyen, un temps long. Alors il y a un temps long qui est le temps de la science, c'est-à-dire quand on construit sur ce que les autres scientifiques ont fait avant, puis le temps de notre vie. Hein. Souvent, ça prend une vie entière d'arriver à comprendre des phénomènes en science. Oui. On va arriver à cette rencontre, hein, qui va changer. Qui va donner, disons, au moins un nouveau visage. Je sais pas si elle va changer votre vie, c'est à vous de le dire, Éric Kersinti, mais en tout cas donner un nouveau tour à votre carrière professionnelle et scientifique. Cette rencontre, c'est une goélette qui est une histoire d'ailleurs partiellement funeste, hein, oui. Qu'on appelait Antarctica, puis Seamaster, et que vous avez rebaptisé Tara en 2003. Oui, alors c'est pas moi qui ai rebaptisé Tara. C'est pas vous qui avez rebaptisé Tara. Le bateau, en fait, le bateau avait été construit par Jean-Louis Etienne, il y a plus de 25 ans par là, je crois. Et puis, il a été racheté par Peter Blake, donc, qui était un grand marin, et qui s'est fait assassiner sur l'Amazone, sur Tara. Et donc, quand Peter Blake a été assassiné, sa veuve a cherché à revendre le bateau à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire à peu près la même chose que Peter Blake faisait, c'est-à-dire essayer de faire prendre conscience aux hommes de l'importance de l'océan. Et donc, la famille Bourgois, donc Étienne Bourgois et Agnès B., donc la mère d'Étienne, tous les deux, ils connaissaient la veuve de Peter Blake, et ils ont racheté le bateau pour faire justement des expéditions. Donc c'est eux qui avaient le bateau. Et ils ont commencé à faire une série d'expéditions avant que je les rencontre. Donc je connaissais Tara parce que par la mer. Hein. Et c'est en fait, c'est grâce à Michel Desjoyeaux que je connais, qui est un ami, qui m'a mis en contact avec Romain Troublet à travers un autre ami. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc moi, j'avais envie de faire une expédition pour faire de la vulgarisation scientifique, justement. Et je leur en ai parlé, et puis on a décidé de travailler ensemble. Donc moi, j'avais les idées un peu de scientifique, quoi. Et puis Tara, ils avaient le côté aventurier et transmission de la connaissance, quoi. Tara, donc vous allez devenir le directeur scientifique de l'une des missions, la mission Océan, qui va durer un tout petit peu plus de 3 ans, qui est la deuxième mission de Tara, puisque la première mission, c'est la mission Tara Arctique de 2006 à 2008. Peut-être un mot, puisque on va en parler de ce que ça a apporté, etc. Juste un souvenir, un moment personnel, quelque chose de scientifique, si vous deviez limiter votre mémoire ou nous transmettre peut-être une anecdote, quelque chose qui est important, qui est lié à cette mission Tara, à cette goélette en particulier, quel serait-il, Éric Kersinti? Je crois que c'est beaucoup d'émotions, en fait, parce que on avait beaucoup de mal à monter. J'ai travaillé pendant 4-5 ans à trouver comment faire ça. Et puis, finalement, c'est avec des collègues, hein, des biologies marines comme Christian Sardet et Gabi Gorski. On a parlé de ces histoires de plancton, on cherchait sur quoi travailler, qu'est-ce qui était le plus important, qu'est-ce qui serait le plus intéressant à faire avec un bateau pendant 3 ans. Et on est arrivé à cette idée un peu d'étudier le plancton et les récifs coralliens de façon holistique, quoi. Mmh. Et une quand fois on plus, est... on y revient. Encore, voilà. Un peu global et à grande échelle. Hein. Et quand on est parti sur Tara, le jour où on est parti en 2009, en septembre 2009, on croyait, on a vraiment, on savait pas si on allait y arriver, quoi. Là, c'était vraiment émouvant, quoi. Il y avait une espèce de, tout le monde avait un peu l'arme à l'œil. Vous étiez combien au départ en 2009 sur le bateau? En 2009, on était, on avait déjà construit pratiquement tout le consortium scientifique. Hein. On était peut-être pas une vingtaine, mais au moins une quinzaine de coordinateurs. Il y avait les deux laboratoires déjà à bord? Il y avait plein de laboratoires déjà. Il y avait, mon laboratoire, le laboratoire de Gabi Gorski, Colomban de Varga. Enfin, il y avait plusieurs laboratoires. Il y avait déjà une quinzaine déjà. Mais et c'est tous ces labos qui ont organisé l'échantillonnage. Mais je parle des laboratoires à bord de la Goélette. Ah, à bord de la Goélette, il n'y avait pas de labo vraiment. Il n'y avait pas de labo, d'accord. C'était la Goélette, c'était principalement pour échantillonner. Donc il y avait c'est les labos qui avaient décidé, enfin principalement en fait, c'est principalement trois labos qui ont défini les objectifs scientifiques. Pas les objectifs, mais les priorités. L'échantillonnage. La méthode d'échantillonnage. C'est le labo de Colomban de Varga à Roscoff, de Gabi Gorski à Villefranche, puis un labo qui travaille sur les virus aux États-Unis. Donc là, parce qu'il y avait des protocoles et sur les bactéries. Bon, il y avait aussi un autre labo. Parce que ce qui était compliqué, c'était d'échantillonner les organismes. Ce qu'on voulait faire, hein, c'était échantillonner les organismes depuis les virus jusqu'aux qui sont très très petits animaux, minuscules, ah oui, donc jusqu'aux petits animaux, hein, pas les gros, mais quelques centimètres, mais en incluant tout, quoi, les bactéries, les protistes, le zooplancton, et donc il a fallu mettre tout ça en place. Voilà. Vous avez prononcé le mot magique, les protistes. Vous écrivez ces pages 130, justement, c'est le premier sous-chapitre consacré à Tara. Nous sommes tous des protistes. Alors, c'est quoi un protiste, Eric Carcenti, en quelques mots? Les protistes, c'est des organismes unicellulaires qui vivent tout seuls dans l'océan et qui ont des formes extraordinairement variées et complexes. Il y a des protistes qui font de la photosynthèse et d'autres qui mangent ceux qui font de la photosynthèse. Et il y en a aussi qui font de la photosynthèse et qui en mangent d'autres. Ce qu'on appelle les hétérotrophes. Donc, il y a une extraordinaire complexité d'organismes, beaucoup plus que la diversité des mammifères, hein, ça n'a rien à voir. Donc, et ces organismes-là, en fait, sont probablement à l'origine de la complexité du vivant sur Terre aussi. C'est-à-dire que c'est là que beaucoup de gènes sont apparus, qui sont nécessaires, en fait, à fabriquer des organismes comme nous. Alors, vous pensez bien que, puisque vous nous dites, et puisque vous écrivez, Eric Carcenti, que nous sommes tous des protistes, nous avons voulu aller voir de nos yeux à quoi ça ressemble exactement et qu'est-ce que sont que ces protistes, remonter à la source, nous confronter à nos propres ancêtres. Bonjour, Céline Lezen. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Sud-Orsay pour aller justement à la rencontre de nos ancêtres protistes. À la rencontre des origines de la vie, oui, avec Paulification Lopez Garcia. Elle est directrice de recherche en biologie évolutive et dans ses travaux, elle cherche à résoudre l'arbre du vivant, c'est-à-dire comprendre l'origine et les évolutions précoces de la vie. Autrement dit, comment les grandes lignées se sont diversifiées à partir d'une origine commune. Alors pour ça, elle va sur le terrain, dans la nature, récolter des micro-organismes en milieu extrême, dans les océans profonds, les lacs, les déserts, les milieux à très haute température ou sans oxygène. Et une fois revenue en laboratoire, elle fait pousser ces micro-organismes pour recréer des écosystèmes microbiens des temps primitifs. Les organismes actuels, mais c'est pareil aussi pour les bactéries et pour les archées, ce sont des organismes contemporains et pas du tout primitifs, mais aussi évolués. Donc toute bactérie existant actuellement dans mon intestin, etc., et tout protiste, sont aussi évolués que moi, parce qu'on est tous à 4 milliards d'années, mettons, de l'origine de la vie. Donc on a évolué pendant la même durée de temps. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que les bactéries ou les protistes, les eucaryotes unicellulaires, sont des organismes plus primitifs que d'autres. Donc les fossiles vivants n'existent pas. Dans les cas du monde des protistes, on va s'intéresser à toutes les lignées qui sont dans l'environnement et qu'on ne peut pas cultiver en laboratoire. Donc aujourd'hui, en laboratoire, on peut étudier une fraction très faible des espèces microbiennes parce qu'on ne sait pas les faire pousser ou parce qu'on ne peut pas les isoler en culture pure. On a plusieurs pièces. Donc ici, c'est le laboratoire où vous travaillez sur les protistes en culture, entre autres. Entre autres, donc on a des échantillons environnementaux. On peut séparer des protistes simplement sous le microscope avec un micromanipulateur, donc avec un capillaire en gros très fin. Donc on a pas mal d'échantillons environnementaux. On travaille beaucoup sur des tapis microbiens qui sont des communautés assez complexes et à partir desquelles on peut isoler, vous allez voir, donc ici. Et donc on a différentes machines, je vais vous parler d'un micromanipulateur, donc on a un microscope avec deux bras capillaires. Comment vous les manipulez là, ces micro-organismes? On met un échantillon naturel, ça peut être de l'eau, ça peut être des sédiments ou du sol, avec un peu d'eau, souvent parce que bon, pour que les... séparer bien le matériel et on identifie avec le microscope les cellules qui nous intéressent et après on va placer un capillaire dans un des bras et on va voir sous le microscope le capillaire et on va pouvoir attraper les micro-organismes qui nous intéressent. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on peut donc avec un laser. On a 5 lasers différents là. On va pouvoir impacter sur les différentes cellules et en fonction de la fluorescence, on va pouvoir aller faire des choix et décider quoi faire avec les trier. Et donc, normalement, on peut trier les cellules. Et donc, on va pouvoir faire des décisions, soit trier des populations des cellules qui partagent les mêmes caractéristiques, soit trier les cellules une par une. Et à partir de là, amplifier soit génome, soit transcriptome pour séquencer et faire des analyses qui nous intéressent. Comment vous raccordez vos thèmes généraux de recherche à ces expériences-là? En fait, tout ce qu'on fait sur l'étude de la diversité et la meilleure résolution de l'arbre du vivant se rapporte à une grande question qui est l'origine et l'évolution précoce de la vie. Comment les grandes lignées se sont diversifiées à partir d'une origine qu'on sait aujourd'hui commune. Voilà, notre recherche actuelle vise à réduire les propriétés des ancêtres et à mieux comprendre quelles sont ces propriétés et comment, par conséquent, elles sont évoluées. Donc la biologie a une approche, par rapport à l'origine de la vie, a une approche top-down, c'est-à-dire on compare tout ce qu'il y a actuellement et on essaye de comprendre comment était la forme vivante la plus simple qui a les caractéristiques communes à toutes celles qui existent aujourd'hui. Donc là, on entre dans une chambre où on fait des cultures. Oui, on a différents types d'incubateurs. Donc ici, on a une armoire qui est à 15 degrés, vous voyez. Et là, il y a plein de bouteilles, de petites bouteilles plates, où on a des cultures de protistes et aussi des boîtes de pétri, vous voyez. Donc bon, ça c'est des cultures. Certains ont besoin des lumières parce que c'est des protistes photosynthétiques. Voilà. Et ici, donc, c'est des tapis microbiens thermophiles. Donc on est à une température de 45 degrés. Et donc, bon, c'est des communautés plus ou moins complexes. On a de la croissance. Et puis on voit la production des gaz. Vous voyez les bulles qui remontent. Donc on les fait croître et se reproduire? Oui, oui, tout à fait. Ils sont là. Ça fait des petites forêts, vous allez voir. C'est très drôle. Vous voyez, ça ressemble à un aquarium en miniature. Oui, mais vous voyez, c'est un peu, on dirait de la science-fiction. Il y a cette croissance des petites pinacles qui montent. C'est des communautés complexes. On a tout, on a archées, bactéries et eucaryotes, tout ensemble. Dernière chambre, et c'est pareil, c'est toujours la même histoire. Ben nous, on travaille toujours avec ces communautés microbiennes. C'est des tapis magnifiques, hein, on dirait des aliens. C'est la science-fiction, j'adore ces systèmes. Hein, c'est vraiment... Vous savez, les tapis microbiens, c'est les forêts du passé. Donc, avant que les animaux et les plantes ne se diversifient, la vie était essentiellement microbienne. Hein, et donc, les véritables forêts étaient des tapis microbiens. Ces communautés donc, sont pour nous des analogues des... écosystèmes passés, des écosystèmes anciens. Voilà, vous ne saviez peut-être pas avant d'écouter ce reportage que les forêts du passé étaient des forêts microbiennes. Eh bien voilà, un enseignement parmi tant d'autres de l'étude de ces protistes. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Eric Carcenti. Oui, et ben, c'est toute la question, c'est au-delà de l'origine de la vie, après la complexification du vivant, quoi. C'est-à-dire pendant 2 milliards d'années, il y a eu pratiquement que des bactéries, enfin des, ce qu'on appelle des prokaryotes, hein, des bactéries et des archébactéries. C'est-à-dire des sans virus, noyaux. Sans noyaux, voilà. Et puis tout d'un coup, bon, les eucaryotes sont apparus et la complexification du vivant s'est développée. Mais ce qui a été dit dans le reportage est très intéressant parce que, en fait, il y a ces ancêtres uniques, enfin communs, disons. Mm-hmm. Et puis après, je pense que la complexification s'est faite largement au travers d'interactions justement entre les organismes. Ben, je suis pas le seul, hein, mais il y avait pas mal de scientifiques qui ont pensé ça. Il y a donc des symbioses, des transferts de gènes, etc. Donc c'est toute cette complexification qui a amené à la vie qu'on connaît aujourd'hui. Au sein de ces micro-organismes océaniques. D'abord au sein des micro-organismes et puis ensuite entre les micro-organismes, disons entre les bactéries et les protistes, hein, il y a eu beaucoup d'interactions. Ensuite entre les protistes eux-mêmes et les bactéries, c'est tout un mélange. Et c'est ça qui a conduit à la diversité des organismes qu'on connaît aujourd'hui et puis aussi aux organismes multicellulaires. C'est très intéressant parce que il semble que ce soit l'interaction entre un type de bactéries particulier et un protiste particulier qui est à l'origine des organismes multicellulaires. C'est-à-dire qu'on est passé de l'unicellulaire au multicellulaire. Il ne faut pas oublier que nous avons d'ailleurs une partie de notre ADN qui était de l'ADN viral. C'est absolument aujourd'hui totalement documenté. On va reparler peut-être un peu de l'apport scientifique de cette expédition dont vous avez été le directeur scientifique, Tara Océan. Il a fallu donc un peu plus de 3 ans de navigation partout. Oui. Sur tous les océans. Sauf dans Tara Océan, on n'a pas échantillonné le Pacifique Ouest, ce qui a été fait dans Tara Pacifique là. Qui est 2016, qui vient de terminer là, il y a quelques mois d'ailleurs, quelques semaines même. Donc tous les océans, méthode d'échantillonnage, c'est-à-dire que concrètement, racontez-nous un peu à quoi ça ressemblait une journée sur Tara, Océan. C'est physique. Ça commence à 6h du matin et puis on envoie des filets, on envoie un appareil qu'on appelle la rosette qui a des bouteilles pour récupérer de l'eau à différentes profondeurs et puis mesurer beaucoup de paramètres océanographiques, hein, de température, salinité de l'eau, concentration d'oxygène, etc. Et puis on fait ça à différentes profondeurs, en surface, vers 50-60 mètres, autour de 600 mètres de profondeur, donc la zone mésopélagique. Et parce que les organismes sont très différents, hein. Il y a des organismes de photosynthétiques en surface, puis d'autres organismes au fond. À 600 mètres, il y a quasiment plus de lumière. Il y a plus de lumière, voilà. Donc c'est tout à fait autre chose, c'est une vie différente. Donc on a échantillonné. Donc on commence comme ça le matin, et puis c'est un enchaînement d'envoi d'appareils dans l'eau, de récupération d'échantillons, de stockage. Voilà, en fait c'est beaucoup de travail. Et l'échantillonnage à bord, il se passait comment justement? C'est-à-dire comment est-ce que vous récupériez tout ce matériel génétique que vous avez étudié après? Alors l'échantillonnage, il se faisait avec des filets. Donc il y a des filets de différentes tailles dont le maillage. Le maillage, ouais, qui va de 5 microns à 500 microns, à différents maillages. Et puis on pompait de l'eau à travers de filtres particuliers pour les petits organismes, par exemple les bactéries et les virus. Ils sont pas récupérés avec des filets, ils sont tout petits, donc on pompe de l'eau et on les filtre sur des filtres très fins. Et donc on récupère, si vous voulez, par exemple un filtre, ça va représenter une masse d'eau particulière. Donc on va avoir un certain nombre d'organismes et on séquence ça après. C'est-à-dire qu'on envoie ça à terre et c'est séquencé au génoscope à Évry, à Paris. Alors il a fallu attendre plusieurs mois avant d'avoir les premiers résultats. Ça a donné lieu encore à des publications cette année. Deux papiers dans Nature Communication les 22 et 25 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan? Parce que le bilan, il est époustouflant en termes de grands chiffres. Une centaine de millions de gènes recueillis, dont la moitié dont on ne connaît pas aujourd'hui encore la provenance. Oui, exactement. Oui. Donc en fait, il y avait deux idées dans Tara Océan. Il y avait une idée qui était simplement déjà de faire un inventaire le plus exhaustif possible de la diversité des organismes, à la fois génétiques et puis taxonomiques, hein, c'est-à-dire quel type d'organisme était là. Et puis le deuxième, c'était d'essayer de comprendre un petit peu comment ces écosystèmes se structurent. Donc, à différents endroits dans la planète, c'est pas les mêmes, hein, ils changent en fonction de plein de choses. Donc la première, bon, ça a bien marché, hein. On a caractérisé à peu près plus de 100 millions de gènes eucaryotes, donc les gènes des cellules comme nous, plus de 45 millions de gènes bactériens. C'est énorme. Bon, c'est une bactérie, il y a besoin de 500 gènes pour faire fonctionner une bactérie. Et de 20 000 gènes, un homme, c'est 20 000 gènes. Hein. Donc vous voyez l'échelle c'est énorme la diversité. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, ça a commencé avec très peu, probablement, avec des systèmes biologiques très simples. Donc il a fallu que pendant des milliards d'années, la complexité génétique amène à ces résultats. Donc Tara Océan, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir une idée de la quantité maximum, si vous voulez, de gènes et d'organismes qu'il y a dans l'océan, dans les océans qu'on a échantillonnés, évidemment, pas partout, mais... Donc on commence à avoir une idée et on sait comment faire pour avoir une idée de la diversité complète de ces organismes dans l'océan. Donc ça, c'est très important. Et puis les autres aspects, c'est le rôle de la température. On a commencé à regarder comment les paramètres environnementaux affectent ces écosystèmes. Et la température a un rôle absolument important. Une variation de 1 degré change complètement la structure d'un écosystème. Donc la température, c'est très important. Avec le réchauffement climatique, il va y avoir des changements très très très considérables. Il y a certainement déjà eu. Qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'avait pas les données encore, mais qui a. Mais tu veux dire à échelle récente, c'est-à-dire que le réchauffement il est déjà récemment, acté, oui, bien sûr, dans les 50 dernières années, il y a eu des changements. Et puis il y a le rôle des courants aussi, c'est-à-dire qu'on a montré comment la combinaison des courants et des paramètres environnementaux affectaient la structure des écosystèmes. Et finalement, le dernier résultat très important, c'est que la plupart des organismes vivent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'organismes qui s'excluent mutuellement. Dans la plupart des masses d'eau, on a 80% des organismes qui coexistent. Et quand on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucun protiste, par exemple, qui vit seul. Ils vivent tous, soit en symbiose, soit en commensalisme, soit qu'il y a des interactions entre plein de protistes et des bactéries, et on sait quasiment rien. Pour de l'énergie, pour de la nourriture. Oui, ils échangent de l'information, de la matière, de l'énergie, de plein de choses. Ils ont besoin les uns des autres pour fonctionner. Donc la vie, c'est beaucoup plus une histoire de coopération que de sélection naturelle, en fait. La sélection naturelle joue un rôle important, parce qu'elle élimine les choses qui marchent plus, qui marchent pas bien, mais par contre, la coopération est tout aussi importante, à la fois pour la complexification, mais aussi pour le fonctionnement. Peut-être comment est-ce qu'on quand on recueille autant de gènes comment est-ce qu'on les identifie les uns vis-à-vis des autres et surtout comment est-ce qu'on passe de l'aspect descriptif à l'aspect taxonomique, Eric Carcenti? Comment est-ce qu'on sait qu'à un moment donné le gène qu'on vient de récupérer c'est le gène de tel protiste? Il y a des marqueurs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des marqueurs, c'est un peu compliqué, c'est des marqueurs sur les ribosomes, des marqueurs qu'on appelle des marqueurs ribosomiques qui servent à caractériser les espèces, et on les retrouve quand on fait ce qu'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on séquence l'ensemble des... On prend tout l'ADN qu'il y a dans un extrait, dans une goutte d'eau, par dans exemple. Dans une goutte d'eau, ouais. Voilà. Mmh. On séquence ça, et puis on peut... Alors, donc, d'une part, on a les gènes qui sont dedans, mais parmi ces gènes, on a ces séquences ribosomiques. Et donc, c'est la machine qui permet de transcrire en général l'ADN en protéines. En protéines, voilà. Mmh. Et donc, avec ces marqueurs-là, on peut dire, on a tel type d'espèce à tel endroit. Et on peut aussi positionner ces espèces dans l'arbre de la vie. Hein, c'est des méthodes à la fois taxonomiques et puis, pour définir les arbres de la vie. Et du coup, alors aujourd'hui, on le disait à l'instant, il y a encore la moitié de ces gènes qui n'ont pas pu être caractérisés. Donc ça veut dire qu'il y a encore un travail taxonomique très très important. Ça veut dire que ça montre aussi l'ampleur de notre méconnaissance biosphère microscopique, marine et océanique. Oui, absolument. Mais c'est un peu normal parce qu'en fait, la plupart des gènes qui ont été séquencés sont des gènes terrestres. Et d'organismes modèles, souvent. C'est des organismes qui sont utilisés par les biologistes, hein, comme la souris, enfin tout. Bon, il y a plein d'espèces qui ont été séquencées. Mais dans l'océan, il y a plein d'organismes qui n'étaient pas connus. Donc, on retrouve des gènes qui ne sont pas caractérisés. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gènes. On connaît pratiquement tous les gènes qui sont importants pour le métabolisme et pour beaucoup d'activités des cellules. Et ben, il y a encore beaucoup d'autres gènes dont on ne sait pas ce qu'ils font. On peut pas dire il pourrait avoir telle fonction quoi dans les organes. Donc ça, on est sûr qu'il s'agit de gènes et pas juste d'ADN. Non, c'est des gènes parce qu'on peut les caractériser. C'est un gène, c'est une séquence start et une fin. Donc les gènes sont bien c'est des gènes, c'est des vrais gènes, mais ils ont pas a priori, on peut pas leur attribuer on peut pas les faire correspondre à une protéine particulière. Alors peut-être que ça. On ne sait pas. C'est très... Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être, allez-y. Un peu d'anticipation, un peu de prospective. On peut-être qu'en fait, on se demande en ce moment s'il n'y a pas des protéines qui peuvent être fabriquées avec des séquences différentes, mais qui en fait ont les mêmes activités que des protéines connues. Donc, il y a plein de possibilités comme ça qu'on est en train d'explorer en ce moment. Voilà, Tara Océan, bon, on a les résultats continuent et on voit qu'il reste encore du travail. Et maintenant, Éric Kersinti, vous l'avez dit, le réchauffement climatique, c'est une réalité particulièrement sensible pour qui s'intéresse à la biologie océanique. La conclusion de votre livre n'est pas d'un enthousiasme ou d'un optimisme débridé, pourrait-on dire. Non, je suis pas très optimiste. Enfin, il faut être optimiste parce que il faut être positif. Hein. Il faut essayer de changer les choses. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, si vous voulez, les sociétés humaines actuelles sont entièrement tirées par le système capitaliste du profit. Et c'est pas un système de régulation, c'est-à-dire que quand on sait pas du tout ce qu'on fait, c'est que quelque chose qui marche financièrement, c'est pas forcément quelque chose qui va être acceptable pour l'environnement terrestre à l'échelle de la planète, parce que c'est ce qui se passe maintenant hein, entre la planète entière. C'est le productivisme, on produit. Et du coup, je vois pas bien. Moi, je trouve que c'est très compliqué d'imaginer comment on va renverser cette machine infernale qui est tirée par le profit financier. Donc il faut remettre en question, je pense, tout le système financier si on veut arriver à arrêter cette production anarchique d'énergie, de chaleur et puis de polluants aussi, parce que la chimie est très importante. Ouais. On voit bien que c'est le taquet, hein, l'écueil de l'écologie politique. Aujourd'hui, certains gouvernants veulent bien essayer de faire un peu d'économie, quoi, qu'en ce moment, on a plutôt tendance à revenir en arrière, qu'en tout cas, le lien entre capitalisme et destruction de l'environnement, il est difficile à faire dans les sphères publiques. Ah oui, très difficile. Ouais. Les gens, on le voit pas facilement, mais il y a un lien. C'est pas totalement négatif parce que c'est vrai que le capitalisme a permis une progression fabuleuse du niveau de vie, du bien-être, etc. De la santé, etc. Bon, l'augmentation de la population. Voilà, exactement. Mais maintenant, on arrive à un stade où il faut remettre en question la façon dont on fonctionne parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et c'est pas seulement en réduisant les voitures un petit peu ou les trucs, c'est global, hein. C'est tout un système qu'il faut changer. Ouais. Vous terminez par ce qu'on appelle l'aphorisme dit de Spider-Man, avec la toute puissance vient une responsabilité. Oui, c'est une citation volontaire. Ça... Vous êtes un fan de Spider-Man. Absolument. Bon, écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de vos travaux, de votre carrière, de votre livre que je conseille vivement aux auditeurs, aux sources de la vie. C'est édité chez Flammarion. Merci beaucoup, Éric Kersinti, d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Humdenstock, Céline Lezen, Antoine Beauchamp et Étienne Minaguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard de retour parmi nous à la réalisation et Jordan Fuentes à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, nous nous approcherons dangereusement, mais très près du centre de notre galaxie pour étudier Sagittarius A étoile. Sagittarius A étoile, c'est le nom du trou noir supermassif que l'on a réussi à presque observer avec toutes les guillemets possibles pour ce qui est de l'observation d'un trou noir ces dernières semaines. Voilà, on en reparle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.